Chapitre 9e, 27 juin. La coquetterie de Claire a décidément quelque chose de très particulier. C'est une coquetterie qui dédaigne de recourir aux procédés ordinaires et qui trouve le moyen de séduire d'autant plus qu'elle affecte de moins chercher à plaire. Je lui disais tout à l'heure que je ne comprenais point qu'une femme n'aimât pas la musique. Alors, m'a-t-elle dit, qu'est-ce que vous allez penser de moi qui la déteste? Et c'est toujours ainsi qu'elle procède. Il semble qu'elle trouve une sorte de plaisir à prendre le contre-pied de mes idées, à me montrer de mille manières que nous sommes, elle et moi, à deux pôles opposés du monde moral. Quand elle vient de faire une de ses professions de foi, elle me regarde bien en face, pour voir si je vais oser lui tenir tête. C'est la leçon de dressage qui commence. Je sens qu'elle voudrait m'habituer à plier devant elle. Je m'en indigne intérieurement. J'ai bonne envie de m'insurger. Mais elle est si jolie à ces moments-là. Son petit air à la fois dominateur et provoquant lui va si bien que je n'ai pas toujours le cœur de réfuter ses paradoxes. Je me tais le plus souvent. Elle triomphe. Un joli sourire me récompense de ma docilité. Et voilà comment je me retrouve, l'épreuve terminée. Non pas un peu moins épris, comme il serait logique, mais un peu plus ensorcelé. Quelquefois aussi je m'en rebiffe. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Encouragé par la mollesse que j'avais mise à défendre la musique, pour laquelle j'ai cependant un goût très vif, Claire a eu la fantaisie de m'apprendre qu'elle n'aimait pas non plus les enfants. C'était assez mal tombé, car il se trouve précisément que j'adore ces petits êtres et que l'idée seule, si je me marie un jour, d'avoir un fils dont je modèlerai doucement la jeune âme, ainsi que mon père et ma mère ont modelé la mienne, un fils que j'élèverai dans l'amour et dans le respect de tout ce qui est beau, de tout ce qui est noble, de tout ce qui est grand. Cette idée-là m'émeut si fort, depuis quelque temps, qu'elle me fait monter aux yeux, quand je suis bien sûr d'être seul, une petite larme furtive d'attendrissement. Or, comme elle me racontait l'histoire d'une de ses cousines qui s'est mariée il y a 3 ans, Claire a dit tout à coup « En voilà une qui est heureuse. 200 000 livres de rente, un mari qui fait tout ce qu'elle veut, une des plus belles paires de chevaux qui soit à Paris, et pas de bébé. » Alors, ai-je demandé, voilà quel est à vos yeux l'idéal du mariage, grosse fortune, beaux chevaux, mari qu'on mène à la laisse et pas d'enfant. Savez-vous que c'est monstrueux, tout simplement? Elle m'a répliqué en riant, ah mon Dieu, mais quel terrible homme vous êtes! On ne peut rien vous dire que vous ne le preniez au tragique. Faut-il, pour vous plaire, que je fasse semblant d'adorer les enfants? Parce que ce goût-là entre, comme celui des sonates de Mozart, dans le programme de l'éducation féminine telle que vous la concevez. Eh bien non, je ne les aime pas. Ça pleure, ça crie, ça bave, c'est sale comme de petits gorets. Et puis, pour une jeune femme, songez, quel ennui! Allez donc au bal, au théâtre, à cheval, essayez de vous amuser un peu. Seriez-vous assez bonne pour me dire qui vous a donné ces jolies idées-là? Personne, elles me sont venues toutes seules. Est-ce que c'est très mal de les avoir? « Mais oui, assez. Heureusement, je vous crois un peu fanfaronne d'immoralité, sinon, eh bien, je renoncerai très résolument à l'honneur que je sollicite toujours d'essayer, en devenant votre mari, de vous convertir à d'autres sentiments. Vous y renonceriez si résolument que ça? Oui, mademoiselle, le plus résolument du monde. Vous avez donc du caractère? Quand il en faut, certainement. Ah bah, vous m'étonnez. Entre nous, je vous croyais un peu mouton. » « Excusez-moi, je ne le suis point. Je ne me donne pas la peine de vouloir souvent. D'abord parce qu'il ne faut pas gaspiller sa volonté, puis parce que la volonté, lorsqu'on la fait intervenir à tout bout de champ dans les menus actes de la vie pour régenter la volonté des autres, n'est plus qu'une des formes de l'égoïsme, chose assez laide, ou de l'entêtement, chose haïssable et niaise. Mais ce que j'ai une fois voulu, je le veux bien. » Je parlais avec une certaine fermeté, car je ne laissais pas de ressentir un peu de dépit à l'idée que cette jolie personne m'avait pris jusqu'alors pour une sorte de tonton qu'on fait tourner comme l'on veut. Le sourire moqueur dont elle avait accueilli mes premières paroles avait cédé la place à une expression d'étonnement d'abord, puis d'assez vive curiosité. Je pensais qu'il n'était pas mauvais, qu'il était loyal, au contraire, de lui montrer que je suis avec la même franchise qu'elle met à me faire voir qui elle est, et je continuais sur le même ton mon petit exposé de principes. Vous félicitez tout à l'heure votre cousine d'avoir, outre de beaux chevaux, un mari qui fait tout ce qu'elle veut. Il n'est pas mauvais que vous sachiez ce que je pense d'un mari de cette sorte. C'est un sot. Ah ah, me voilà prévenu. Alors vous seriez un mari despote, vous? Pas le moins du monde. Un mari qui veut trop faire le maître n'est pas moins sot que celui qui ne le fait pas assez. Tiens, tiens, tiens. Mais vous avez aussi vos petites idées sur le mariage, à ce que je vois. Oui, mademoiselle. Et ces idées diffèrent essentiellement des vôtres. Alors pourquoi voulez-vous m'épouser? Pour faire de vous une vraie femme. Qu'est-ce que je suis donc? Quelque chose d'assez complexe. Il y a en vous un petit notaire, qui ne me plaît pas beaucoup, et une jeune fille assez mal élevée, mais droite et franche, que j'aime de tout mon cœur. Et comment vous y prendriez-vous pour faire de moi une vraie femme? En contraignant par de puissants exorcismes le petit notaire à sortir de vous. Peut-on savoir quel exorcisme vous employeriez de préférence? L'amour. Ah, mon Dieu! Voilà que vous allez recommencer. Dites-moi plutôt ce que vous appelez une vraie femme. C'est assez difficile à définir. Mais voulez-vous un exemple? Tenez, ma mère en est une. Et la mienne? Votre mère a droit à tout mon respect. Il me semble toutefois que... Bon, bon, cela suffit. Ne pataugez pas. Déjà, gendre, vous allez vite en besogne. Je vous assure que je n'avais nullement l'intention... C'est entendu, c'est entendu. Eh bien, moi, je vais vous donner une leçon. Je la trouve charmante, votre mère. Ah, me suis-je écrié, combien je vous suis reconnaissant de ce que vous me dites là. Alors elle s'est mise à me faire une foule de questions. Elle m'a demandé l'âge de maman, des détails sur sa famille, sur nos relations, sur la fortune de ma tante, la chanoinesse de Ragincourt et si j'étais bien avec elle. Je lui racontais comment j'avais été élevé, avec quelle tendre sollicitude mes parents s'étaient consacrés à la formation de mon cœur et de mon esprit. Je lui ai dit tout ce qu'il y avait de vaillance, de sagesse sereine, d'active et d'ingénieuse bonté dans ma mère, la rectitude de son jugement, la haute distinction de son intelligence, l'étendue et la solidité de son instruction, son goût si délicat et si sûr, son indulgence pour autrui, sa sévérité pour elle-même, la noblesse de ses sentiments, cet amour de la simplicité qui s'unit en elle à la haine de tout ce qui est vulgaire. Bon. Interrompu Claire. Je sais maintenant ce que vous appelez une vraie femme. Il fallait me le dire tout de suite que c'est le merle blanc. J'aurais compris. Je lui ai parlé aussi de mon père. J'ai tâché de faire revivre un instant, d'évoquer devant elle cette figure fine et fière de soldat gentilhomme, dont le cher souvenir vivra dans ma mémoire aussi longtemps que je vivrai moi-même. J'étais ému. J'aurais voulu lui dire comment il s'était conduit à Reichshofen, mais elle m'a coupé la parole. Oui, oui, je sais. Il paraît que ça a été superbe. L'empereur voulait le faire compte, n'est-ce pas? La chute de l'Empire a dû bien vous ennuyer. Enfin, je lui ai conté les dernières années de la vie de mon père. J'ai fait passer devant ses yeux le spectacle de cette noble intimité, si tendre et si grave à la fois, dans laquelle j'ai vu vivre mes parents, de cette parfaite harmonie, qui est restée pour moi la plus haute, la plus belle expression de l'amour conjugal, et que je n'ai jamais cessé depuis lors de regarder comme le but même auquel doit tendre le mariage. Claire m'écoutait en mâchonnant un brin d'herbe, les mains dans les poches de sa casaque. En arrivant à la lisière du bois, elle m'a dit au revoir et m'a tendu la main. Je ne sais quelle tristesse m'a envahi. J'ai à peine effleuré le bout de ses doigts et je suis parti sans la regarder presque. Je m'éloignais déjà quand elle m'a rappelé. Je suis revenu sur mes pas d'assez mauvaise grâce. Elle était toujours à la même place, au milieu du chemin, son brin d'herbe à la bouche, le poing gauche sur la hanche, l'autre main appuyée sur son ombrelle comme sur une canne, le buste un peu penché à droite. « Qu'y a-t-il, mademoiselle ? » ai-je dit en m'approchant. Elle m'a regardé pendant quelques secondes d'un air singulier, puis elle a répondu « Rien. Je voulais vous dire encore un mot. Mais vous êtes de trop mauvaise humeur en ce moment. Ce sera pour une autre fois. » « Votre servante, monsieur. » D'un mouvement plein de grâce, qu'accompagnait le plus moqueur des sourires, elle m'a fait une profonde révérence et s'en est allée. Que peut bien signifier cette gaminerie? Maman, qui sait que nous nous voyons chaque après-midi, m'a demandé quand je suis rentré. « Eh bien, a-t-elle été gentille aujourd'hui ?» Je lui ai raconté notre entrevue, sans omettre la petite scène de la fin. Ses mères sont étonnantes. « Voici la mienne. » Une femme pleine de sens et de clairvoyance, pourtant, que toute sa fermeté, toute sa prudence habituelle, abandonne, à l'idée seule, de marier son fils. Il n'y a pas d'âme plus désintéressée. Et ce n'est pas seulement parce que je vais peut-être me marier. C'est encore, c'est surtout parce que ce mariage serait un beau mariage. Qu'elle ne dort plus, qu'elle ne mange plus, qu'elle ne tient plus en place, qu'elle rit et qu'elle pleure, s'exalte et se désespère. Je lui en veux, quelquefois, de s'être laissé gagner à l'optimisme forcené de ce maudit abbé. Quand j'essaie de lui faire part de mes inquiétudes, quand je lui rapporte tel propos de Claire qui m'a blessé ou alarmé, elle me répond, comme elle vient de le faire tout à l'heure, « Bah, tout cela n'est pas grave. Elle se fait plus mauvaise qu'elle n'est. Ça l'amuse, cet enfant, de jouer la femme désabusée. » Et elle est à moitié sincère dans ce rôle dont elle a pris l'habitude, comme tu l'étais toi, il n'y a pas longtemps encore, dans celui de désespéré. Tu en es revenu, de ce fameux pessimisme que j'avais le tort de prendre au sérieux. Elle reviendra de même, sois-en sûr, de ce que tu appelles son cynisme, avec le goût que tu as, en qualité d'homme d'imagination, pour les mots qui grossissent les choses. Je te répète que le fond est bon, laisse-la jeter sa gourme. Tu verras après, quelle brave petite femme. Tu lui plais, c'est l'important. Ton père disait que si l'on a cet atout-là dans son jeu, il faut être le dernier des sots pour ne pas gagner la partie. Tu la gagneras. Je te dis que tu es en train de la gagner. » J'ai répondu par un geste exprimant toute la défiance de moi-même, tout le découragement dont je me sens repris quelquefois. Comme je sortais du salon pour aller faire le tour du parc, j'ai vu qu'elle s'agitait dans son fauteuil et qu'elle me suivait d'un regard si doux, si tendre, que je suis revenu sur mes pas afin de la baiser au front. Pauvre chère mère, comme je suis injuste pour elle, peut-être. Même jour. Au fait, ne suis-je pas injuste pour Claire aussi? Elle ne veut pas se marier sans connaître à fond le caractère, les goûts, les idées de l'homme qu'elle épousera. Quoi de plus naturel et de plus raisonnable? Elle est coquette, mais l'aimerais-je autant sans ce rien de recherche et d'après, dont elle relève ses grâces naturelles? Et si je l'aimais moins, aurais-je eu la révélation du prix que l'amour donne à l'existence, quand il s'est emparé, comme chez moi, de l'âme tout entière? Il a suffi pourtant que cette révélation se fît, pour que le voile qui cachait à mes yeux toute une face des choses tombât soudain, pour que la vie m'apparût sous un nouvel aspect, non plus laide, abjecte et désespérante comme je me le figurais, mais portant en soi assez de bien pour compenser le mal, sa lumière à côté de ses ombres, digne enfin qu'on la vive et qu'on le juge, tout compte fait, les raisons de l'aimer plus nombreuses et meilleures que celles de la maudire. Si je renonçais aux amertumes, aux révoltes de cette triste philosophie qui fut la mienne, si ma conception de la destinée humaine a changé, si j'estime aujourd'hui que, en nous donnant l'amour, le Créateur a fait assez pour que nous n'avons plus le droit d'invoquer contre lui le plus grand de nos griefs, qui est de nous avoir imposé la mort, si je trouve aux choses mêmes qui me charmaient jadis, à la nature, à la poésie, à l'art, un charme plus puissant, une beauté qui me pénètre davantage, si je me sens plein de jeunesse, d'enthousiasme et de force, si je vis en un mot, car je vois bien maintenant que je ne vivais pas, c'est à Claire que je dois ce bienfait. Pourquoi donc lui reprocher ceci ou cela, d'avoir de l'ambition, par exemple? Quel stimulant ce doit être pour un écrivain que de voir, tandis qu'il travaille, deux beaux yeux dont le regard se pose par moments sur la page commencée et semble dire, en un langage muet, « Eh bien, ami, est-ce cette page que tu écris qui nous rendra célèbres ?» Ah, les voir, ces yeux adorés, les voir toujours et y noyer mon âme, ou plutôt non, les voir et réchauffer à leur flamme mon inspiration qui, faute d'un regard d'amour, languit comme une fleur privée de son rayon de soleil. Devenir un grand écrivain, illustrer mon nom, afin de pouvoir dire un jour « Talent, succès, fortune, tout cela vient de vous, tout cela est à vous, et je n'ai voulu tout cela, ô ma bien-aimée, que pour le jeter à vos pieds. »